Chevrolet de la voisine est bien agréable le soir. Vous les avez vus? Vous les avez connus, le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le Palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Avant la chaleur, le calme avant la tempête, le silence avant le silence, le vent après l'explosion. Nous sommes rattrapés par le quotidien et par une humeur en constante transformation. Voici My Ever Changing Moods. C'est la merveille des Style Council composée en 1984. Paul Weller la reprend en 2021. Et en grand, avec l'orchestre symphonique de la BBC. Vous entrez dans la nuit des temps. Well, I touched the moonlight and I met my best. Praising the way that it all works. Gazing upon the rest. Yeah, the cool is falling off. My fool, but I'm caught up in the wilderness of my ever-changing mood. Yeah. Bitter turns to sugar. Some call a passive tune, but the day things turn sweet for me won't be too soon. No, the hush before the silence brings out the blast. The hush before the silence brings out the blast. I wish we moved together. This time the bus is soon, but we're caught. Changing mood, yeah. age I've turned to children who never had the time to commit the sins they paid for through another's evil mind. Love after the hate, love we leave too late. Love after the hate, love we leave too late. I wish we'd come to our senses and see there is no truth in those who promote the confusion for this ever-changing mood. Space Ark Diamonds enregistre ses démos. Mais malheureusement, l'aventure ne dépassera pas deux albums. Par contre, depuis, on n'en finit pas de redécouvrir ce son gorgé de côte ouest. Comme celui que chercha Paul Weller, 15 ans plus tard, dans sa Londres pluvieuse. The two become one. like hear some music? Sure. Cool. You never got into the whole CD revolution? Oh, I got a few. But I can't afford to start all over again. I mean, I've invested too much time and money in my albums. Yeah, but you can't get new stuff on records. I don't get new stuff at all. Don't you, lady? Don't you, lady? This is your world, this too. Is your world too. You got lots of capabilities. Even if the man won't acknowledge you. I know what's on your mind. You don't think about nothing else. But ain't nobody gonna pick you up. You're gonna have to try and help yourself. Il y a ce bourdon un peu inquiétant. Ce bourdon qui grimpe depuis les clubs. Il grimpe tout doucement depuis les clubs de Manchester et nous sommes pile à la mi-temps des années 2000. Trust Me est un zozo passionné par le mixage, mais plus encore par les échantillonnages. Par exemple, il utilise le très réputé échantillonneur Nards, un échantillonneur super utilisé à Chicago à la grande époque du label Steel Music. Mais revenons à Manchester, ou bien partons pour Lisbonne, là où vit maintenant Trust Me. Nous sommes en 2007, voici Narda, dont le groove minimal et dévastateur n'est pas sans faire penser à une Marilyn Monroe soudain emportée par une pluie torrentielle de disco. La nuit des temps, Radio Duo. Est seule avec sa machine. Elle raconte ses histoires d'amour avec un freaks et elle met le feu à mi-chemin entre une électro complexe et de la pure variété. Alors c'est dire si on a kiffé la voir d'en faire son show cet été et nous étions comme à la maison. Comme chez ce Rizzo Connection. It's my house. Et vous, vous êtes bien dans les jeudis soirs de Radio Duo. Chair. La nuit des temps, l'international de la danse. Ciceranella mia, si buona e bella. Ciceranella mia, si buona e bella. Ciceranella di una gallina, faceva l'uva si la manina. L'aveva imparato a mangiare faranella, chissà gallini. Ciceranella, ciceranella mia, si buona e bella. Ciceranella mia, si buona e bella. Nous sommes à Naples. Liberato se planque derrière sa tenue de samouraï. Il a deux grands yeux rouges électriques. Et la transe n'est pas loin. Elle est juste en bas. Au sud, elle est dans la botte. Ciceranella mia, si buona e bella. Ciceranella mia, si buona e bella. Ciceranella da neva una vacca, Ρώτησα σπιτάκι στην ακρογιαλιά και περιβολάκι στην αστροφενιά. Πιάσε με μη πέσω στα βαθιά νερά, δέσε μου στην πλάτη χαρτινά φτερά. Πέθησα και τρέχω σαν μικρό παιδί, σκάλωσε η καρδιά μου σε ψηλό κλαρί. Πέθησα και τρέχω σαν μικρό παιδί, σκάλωσε η καρδιά μου σε ψηλό κλαρί. Βαρκούλα έπιασε φωτιά, σαν τρελά χτυπάνε τα καμπαναριά. Πιάσε με μη πέσω στα βαθιά νερά, δέσε μου στην πλάτη χαρτινά φτερά. Πέθησα και τρέχω σαν μικρό παιδί, σκάλωσε η καρδιά μου σε ψηλό κλαρί. Πέθησα και τρέχω σαν μικρό παιδί, καλώς η καρδιά μου σε ψηλό κλαρί. Πέθησα και τρέχω σαν μικρό παιδί, καλώς η καρδιά μου σε ψηλό κλαρί. Και τρέχω σαν μικρό παιδί, σκάλωσε η καρδιά μου σε ψηλό κλαρί. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Mon amour d'été, mon bel amour d'été, tu m'as promis. Et maintenant, après toutes ces belles paroles, je t'écris un tango de l'amour. Et je t'écris quoi? Je t'écris que tu es foutu. Tu m'as promis le soleil en hiver, un arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable doré, j'ai reçu une carte postale. Tu m'as promis le ciel, la terre et une vie d'amour. Tu m'as promis ton cœur, ton sourire, mais j'ai eu des grimaces. Tu m'as promis. La nuit des temps, Radio Duo. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais pourquoi on m'appelle Mademoiselle Pas de Chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es foutu. Grace raconte aussi ses histoires d'amour, ses enthousiasmes, ses déceptions, et c'est à l'évidence notre power play. Cette semaine, dans la nuit des temps. I think of the mornings, we love talking, and we sit for hours, and it never got boring. You told me you love me, while drinking your coffee. I could have sworn you really did want me. Then we're in the club and you're kissing her neck. I'm sipping myself, texting my friends, cause I hate to see you with someone else. I wish that I was someone else. I think of the evening and wine on the weekend. I hate to admit that I was so in the deep end. And we split a taxi, hold hands on the backseat. Yeah, I could have sworn you really did want me. Then we're in the club and you're kissing her neck. I'm sipping myself, texting my friends, cause I hate to see you with someone else. Mais oui, les sons de Taylor Swift peuvent être joliment troussés et produits. Mais que dire de Neil Francis que l'on adore, joué dans la nuit des temps ? Some Kind of Static. Et non, nous ne sommes pas dans un épisode de Stranger Things. Nous ne sommes pas en 1984. Mais nous sommes bien en 2024. Neil Francis. Donc c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club, une manière aussi de clore cet été avec du bon temps passé au festival Cabaret Vert. C'est tout là-haut, dans le nord-est de la France, Cabaret Vert, là où vibre précisément l'esprit de la nuit des temps. Et ce soir, notre dance floor était inspiré par les vibrations de ce festival avec le roi Paul Waller, qui a donné du style et des conseils dans les années 80. Les Californiens Space Arc Diamonds comme l'une des sources de la musique de Paul Waller. Trust Me pour ne jamais oublier Manchester. Kenya Grace qui a su nous emballer cet été pendant son live et c'était forcément notre power play de la semaine. Liberato, car c'est l'Italie. L'Italie comme on l'aime et qui se donne à nous. Rena Koumioti, car la Grèce reste et restera notre motherland culturel. Il y avait également Ingrid et son tube « Tu es foutu ». Taylor Swift, car on est comme ça à la nuit des temps, on laisse entrer tout le monde dans notre bon vieux club. Et à l'instant, c'était Neil France qui nous aura bien fait danser cet été. Grâce grâce au son merveilleux d'Alan Breaks. Comme chaque jeudi soir, c'est maintenant l'heure de regarder les étoiles. Les étoiles dans le ciel de Saint-Étienne. Les étoiles qui vibrent avec les ondes du pylône de Radio Dio. One more chance. One more time. On se retrouve la semaine prochaine. One more chance. La semaine prochaine, buona notte, quelques bonus. Salut. Radio Dio, il est 22h.